les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. De tout temps, la production cinématographique a connu et vu éclore simultanément des metteurs en scène différents, variés, aux ambitions opposées. L'émission de Pierre Girard et Richard Rein avait donné la parole à Éric Rohmer, François Truffaut, Claude Chabrol, Alain Robbe-Grillet, Marco Ferreri, ou à des cinéastes d'un cinéma dit « parallèle », dont certains films n'étaient vus que dans certains festivals de ci, de là. En janvier 1974, l'équipe de Clap Sûr donne la parole à trois cinéastes français, dont le moins que l'on puisse dire est que leurs œuvres ne se ressemblaient pas vraiment. Au premier, on devait, entre autres, La vieille dame indigne et Rude journée pour la reine. Au deuxième, Mais ne nous délivrez pas du mal et les galettes de Pont-Aven. Au troisième et dernier, Banane mécanique et Prenez la queue comme tout le monde. Trois cinéastes du début des années 70. Précisément, première diffusion sur France Culture le 23 janvier 1974. Pourquoi vous allez voir ce film ? Comme ça ? Voilà. Vous avez lu quelque chose sur ce film ? Ah non, pas du tout. On va voir comme ça parce qu'on aime bien aller au cinéma. Vous avez le choix entre différents films ? Oui, Le Train, c'est-à-dire Le Temps, on a été le voir à Paris et ça nous a plu aussi. Là, on va voir comme ça parce que c'est intéressant, on a dit que c'était marrant. C'est bon, passer le temps. Vous avez lu quelque chose sur ce film ? Non. Je vais voir un film. Qu'est-ce que je vais voir comme film déjà ? Vraiment, c'est dur ce que vous me demandez. Je me dis, on peut pas voir comme film. Pierre Girard, Richard Rein, Janine Chollet. Clap sur trois cinéastes français. Trois autoportraits. René Alliot. On ne peut pas raconter des histoires, on ne peut pas parler du monde, on peut parler de la réalité, on ne peut pas représenter le monde sans prendre parti. Pour moi, c'est la dimension politique de mon existence d'individu, elle se confond avec la dimension artistique de mon travail. Joël Seria. J'ai envie de raconter des histoires, c'est un plaisir que je sens en moi, qui me pousse. Alors, je ne considère pas que j'ai une fonction sociale, tout ça, absolument pas. Enfin, moi, je veux vivre. Je veux dire, il y a des certaines limites dans ce métier que je ne franchirai pas. Et j'ai des options personnelles. Mais je veux dire, ça va pas plus loin. Je ne pense pas que j'ai une fonction sociale. Jean-François David. Tout ce qu'on fait dans le système, en tenant compte de la demande, en faisant le jeu des distributeurs, des exploitants et des producteurs, c'est jouer un jeu qu'on peut considérer comme en tout cas réactionnaire. Mais je ne vois pas, en ce qui me concerne, et vu mes ambitions, d'autres moyens actuellement de réunir... peut-être le crédit dont j'ai besoin, peut-être les finances dont j'ai besoin pour faire le cinéma que j'ai envie de faire. Donc effectivement, je me comporte un petit peu comme un réactionnaire si on me juge uniquement à travers les deux films de moi qui ont marché. Trois cinéastes et le problème. Trois autoportraits. Numéro 1, René Alliot. J'ai commencé à peindre. J'ai commencé par la peinture. Je suis venu au théâtre qu'après. J'habitais Marseille et c'est à travers la rencontre avec une jeune compagnie qui venait de se constituer que je suis arrivé au théâtre. Avec, par le biais de prendre les choses vraiment à bras le corps. 50 ans. C'est moi-même qui fabriquais les décors. Peintre. Mais tout ça, donc, ça évolue pendant une dizaine d'années et pendant ce temps-là. Scénographe. J'étais comme un autre au théâtre. Et au théâtre, j'ai développé un autre travail, une autre technique, qui était pas introverti, enfin qui était de plus en plus, au contraire, tourné vers les autres. Et à travers le travail au théâtre, où je suis venu de Marseille à Paris, j'ai travaillé là dans les années 50 pour les jeunes compagnies, dans des théâtres qui ont disparu aujourd'hui, qui sont tous devenus des cinémas. Le Théâtre du Quartier Latin, Théâtre de Babylone, Théâtre des Noctambules. C'était la période d'une avant-garde dans laquelle on jouait les premières pièces de Ionesco, de Adamov, de Beckett et de Brecht, déjà. Et puis, donc, je fais partie de cette génération de gens qui ont rencontré à travers le Théâtre des Nations, c'était en 54, l'œuvre de Brecht à travers des réalisations scéniques qui étaient qui avaient un impact très fort. Rencontre avec Planchon. Je suis donc allé travailler à Lyon et j'ai passé à Lyon. Je ne me suis pas installé à Lyon, mais j'ai travaillé régulièrement pendant plusieurs années. J'ai fait tous les spectacles de la compagnie Planchon. Et c'était aussi l'époque de la guerre d'Algérie. Et tout ce travail est allé de pair avec des prises de conscience d'ordre politique, bien entendu, et qui étaient complètement liées à mon travail artistique, à ma pratique artistique, à mon travail artistique. Enfin, ce que je cherchais à traduire, je suis toujours au théâtre, là, ce que je cherchais à traduire dans les formes, finalement, ben, c'était bel et bien ça. C'était bel et bien comment parler de la réalité, comment faire entrer la dimension politique dans la description de la réalité, comment renvoyer à la réalité sociale, avec bien entendu tout un travail qui se faisait sous l'influence des formes du théâtre de Brecht. Je me retrouvais avec des préoccupations du côté de la peinture et un outil de travail, une écriture qui n'était pas faite pour les véhiculer, finalement. Et alors, c'était évidemment un conflit très, très productif. Et pendant quelques années, j'ai cherché à parler de ce qui me préoccupait, la guerre d'Algérie, les problèmes de la torture, etc., à travers ma peinture. Et j'y arrivais, j'étais en train d'y arriver par la cinétique. En introduisant le mouvement et la durée dans la peinture. Là-dessus, nous avons monté à Villeurbanne Les âmes mortes de Gogol, dans l'adaptation d'Adamov. Et j'ai été amené à faire, pour rendre compte de l'espace et de tout un aspect de l'œuvre, un film d'animation. C'était une série de films qui ne dépassaient pas 2 minutes, qui faisaient entre 1 minute et 2 minutes, de dessins animés, qui faisaient la liaison entre les tableaux. Il y en avait 15 comme ça faisait presque une demi-heure de film. Avec un tournage extrêmement rudimentaire en 16 mm, où on épinglait les dessins sur un tableau en face de la caméra qui était posé sur un petit chariot qui se baladait sur une table, sur une glissière, et avec un zoom, et donc les mouvements, c'était des mouvements obtenus au montage, ou bien des mouvements de translation latérale, ou de zoom avant ou arrière, et c'est tout. C'était extrêmement rudimentaire, et j'avais fait pour ça 150 dessins peut-être, qui étaient tous des dessins, bien entendu, figuratifs. Et entre-temps, Claude Berry, qui lui aussi s'approchait du cinéma, avait monté un projet qui était de faire leur premier court-métrage à plusieurs hommes qui venaient du théâtre ou de différentes disciplines. Ça aurait été leur premier truc au cinéma. Billet-Doux devait faire quelque chose lui-même, Claude Berry devait faire quelque chose, Bourseiller devait faire quelque chose, et puis il y avait moi aussi. Alors, je me suis mis tout de suite à écrire un scénario, et j'ai fait, mais vraiment presque sans calcul, le saut d'un cinéma de plasticien animé, de la peinture abstraite animée ou vaguement figurative, enfin tout ce travail dans lequel je baignais, j'ai fait le saut tout à coup, j'ai écrit un scénario et j'ai raconté une histoire avec des personnages. Et j'étais finalement le premier prêt, et j'étais le premier à tourner et le seul de cette entreprise à faire ça. C'était donc un court-métrage qui s'appelait La Meule, et qui au fond reflétait des préoccupations qui sont demeurées les miennes jusqu'à présent, même si la mise en forme était maladroite et mal maîtrisée. C'était la présence de l'histoire et de la réalité historique dans les rapports entre les individus. Long métrage. La vieille dame Andine, Pierre et Paul, les camisards, rude journée pour la reine. Moi, j'aime bien les films d'alliance. Voilà. Ce qui m'a plu d'abord, c'est qu'il y a une originalité qui fait que ce n'est pas les gens de tous les jours qu'on a l'habitude de voir au cinéma. Deuxièmement, je trouvais que c'était très vrai. Tous les rêves que peut faire quelqu'un de la rue, qui lit les bandes dessinées, intimité, etc. Le désir de voir son mari, le président de la République, le roi, etc. L'agacement des jeunes, en même temps le bon cœur. Enfin, moi, je trouve ça très vrai. C'est vraiment la vie, c'est ce qu'on parle. La vie comme il est avec la mère et la père à elle, la mère à lui, enfin que tout est vraiment réel, comme est la vie. C'est réel. C'est réel que c'est la vie comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai pensé un moment écrire. Et puis j'ai peint, puis j'ai fait tout ce parcours-là. Mais au fond, c'est un peu ça encore dans le cinéma. Raconter des choses qui parlent de la vie. Il y a un très beau texte de Walter Benjamin qui s'appelle « Le narrateur ». Où il parle très très bien de ça, à propos de cette tradition de qu'est-ce que c'était le conteur, celui qui raconte des histoires, et qui me paraît, pour un cinéaste, sûrement un texte où il y a des choses aussi importantes et très différentes de celles qu'on peut trouver dans Brecht. Je crois que la fonction du cinéaste, elle rejoint la fonction de tout artiste dans la réalité. Il est un de ceux qui rendent compte, qui renvoient aux autres une image d'eux-mêmes et qui en s'interrogeant, soit sur eux-mêmes, soit sur les autres aussi, posent des questions, vont à la recherche. D'une image la plus véridique possible que les hommes puissent se donner d'eux-mêmes à un certain moment. Et bien entendu, c'est une course un petit peu comme on tombe en avant, ce schéma n'est jamais parfaitement rempli, parce que bien souvent, ce qu'il est convenu au cinéma d'appeler le public refuse l'image qu'on leur amène d'eux-mêmes, repousse le miroir. Pourquoi est-ce qu'il la rejette ? Bon, alors là, on va retomber sur des considérants qui intègrent non seulement la difficulté de regarder la réalité en face comme elle est. Parce que je crois que l'art tout de même en rend toujours compte, il y a toujours une part importante de vérité dans l'image artistique, mais en même temps il y a le fait qu'il y a bel et bien une idéologie dominante. J'ai toujours cru, pour ma part, que les rêves populaires et les rêves bourgeois étaient exactement les mêmes. Louis Chauvet. Chacun s'attribuant, par leur entremise, une puissance, une vie fabuleuse au-dessus de ses moyens. Mais l'auteur, torturé par ces doutes qui lui inspirent son idéologie, se demande à tout moment si l'imagination est réactionnaire ou non. Moi, d'abord, l'enchaînement, l'illogisme de l'enchaînement, tout en étant très logique au fond, mais enfin, cette façon de revenir, de mêler le rêve à la réalité. Et au fond, on a assez de mal au départ, du moins, à réaliser ce qui est rêve, ce qui est réalité, en dehors des passages très longs. Et puis, d'ailleurs, je suis un peu de parti pris parce que j'aime énormément l'œuvre d'Abbio. Je l'aime en peinture, je l'aime au cinéma. Et je trouvais, vous demandiez quels étaient les critères d'un bon et d'un mauvais film. Je crois qu'au fond, un bon film, c'est quand ça ne sonne jamais faux. Quand on n'est pas lassé, quand il y a une espèce de suspense, et au fond, il réunit tous ces critères. Puis ensuite, le thème est un thème intéressant, parce qu'on sort un peu des sentiers battus et de toutes ces idioties qu'on voit souvent. Il n'y a pas de fesses, ou du moins pas trop, juste un peu. Et puis, dans l'ensemble, les acteurs sont bien choisis et jouent bien. J'aurais aimé l'héroïne un peu plus jolie, parce qu'on est habitué à des filles assez plus jolies que ça. Enfin, la mère de l'enfant, hein. Mais c'est pas plus mal, au fond, qu'elle soit comme ça, elle est plus naturelle. Le film d'Alio, c'est, à travers la psychanalyse d'une femme de ménage, un discours brechtien sans en avoir l'air. Jacques Siclier. La réalité sociale prolétarienne y est donc bien plus juste, bien plus vraie que dans les meilleurs films français dits réalistes. Toujours quelque peu mystifiant par leur romanesque. Le film d'Alio est un grand film politique. Nous naviguons constamment entre cette fourchette. Est-ce qu'il faut continuer à se bagarrer pour faire des films à l'intérieur de ce qu'on appelle le système ? Ou bien le travail que de négociation que ça nous demande est-il tel et si dangereux qu'il faut y renoncer et faire avoir une activité tout à fait marginale, et comment? En fait, je crois que il n'y a pas de réponse absolue. À la limite, il faudrait pouvoir travailler dans les deux directions à la fois. C'est des terrains de lutte différents, aussi importants l'un que l'autre. C'est important de continuer à se battre pour faire dans le système un cinéma, pour essayer d'y introduire des marchandises qui n'ont pas les normes, des marchandises qui y circulent. Alors évidemment, comme on est là à l'intérieur d'un circuit commercial, d'une économie de marché, où c'est effectivement des marchandises qui circulent, qui sont achetées, revendues et louées à partir justement de quelques normes bien définies, qui bien entendu se trouvent être des normes d'ordre esthétique et dramaturgique, suspense, sexe, genre dramaturgique bien précis, cinéma d'aventure, cinéma de divertissement, policiers, etc., qui fonctionnent avec des procédés d'écriture qui eux aussi sont analysés à l'intérieur de dramaturgie et qui concernent un certain type de relation avec le spectateur. Tout cela constitue, tout cela bien sûr en relation avec l'existence et la présence extrêmement forte d'une idéologie dominante et de tout ce qu'elle charrie comme stéréotype, comme manière de représenter la réalité, comme choix dans la réalité, et aussi comme oppression véhiculée, comme interprétation, comme ça, et falsification véhiculée. Évidemment, c'est un peu la quadrature du cercle, d'essayer d'introduire d'autres marchandises qui répondent à d'autres normes. Dans La vieille dame Andine, merveilleux premier film de René Alliot, il y avait matière humaine. Louis Chauvet. Il n'y a plus ici que cérébralité déformée par une doctrine. Aussi, La vieille dame était-elle mille fois plus convaincante, mieux promise à l'audience universelle. C'est de cela qui finira pour mourir le cinéma politique. Na also, goodbye, und das segelt so hin, und das kommt auch mal an, und dein lieber Gott lässt dich nicht blicken. J'ai un petit peu le sentiment d'avoir fait tout un parcours à travers ces films-là, ou sur le plan de la technique artistique et des problèmes que je me posais sur le plan de conduire un récit, parler de la réalité, je me suis enrichi. En même temps, aussi, j'ai le sentiment de devoir un petit peu boucler une boucle avec toute une part de mon travail, on pourrait dire brechtien, entre guillemets. Et j'ai le sentiment maintenant d'aller, bien entendu, je vais continuer à parler des mêmes choses, mais je pense autrement. Alors, donc ces films, ils sont aussi la trace de mon expérience du cinéma. Ce sont des films aussi de recherche. Je veux dire, nous allons à la recherche de la réponse à cette question. Qu'est-ce que c'est une forme qui rendrait compte à ce qu'on appelle le grand public, c'est-à-dire aux masses, de la réalité d'aujourd'hui, sans prétendre prendre la parole pour elle, hein, sans parler à leur place, ce qui est, alors, la démarche la plus aberrante qui soit, en mon sens, avec la part d'émotion et de sincérité vraie qui permettent de communiquer avec elle, et pour se demander ensemble qu'est-ce que c'est l'histoire, qu'est-ce que c'est la vie sociale, comment on peut la changer, comment c'est quand ça change, quelle forme ça a un objet artistique qui peut parler de ça et communiquer avec le grand public à propos de ça. Ben écoutez, nous le cherchons. Si j'avais une réponse, je crois que je ferais plus d'entrées avec mes films. Trois cinéastes, trois portraits. Numéro 2, Joël Seria. Moi, ce qui me plaît, c'est de toute façon, c'est d'écrire des sujets et puis de m'exprimer comme ça. Ça, j'avoue que j'ai une chance inouïe parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui voudraient le faire. Moi, j'ai eu la chance, c'est-à-dire et l'opiniâtreté de persévérer dans ce sens-là. Et je fais des films parce que je les écris, parce que j'écris des histoires. Peut-être que, imaginez par exemple que le cinéma devienne extrêmement, que la censure soit très très forte, de plus en plus forte, mais il se pourrait très bien que j'arrête de faire du cinéma, parce que si je pouvais pas m'exprimer complètement, à ce moment-là, je me mettrais à écrire. Mais il se trouve que j'ai mon plaisir, moi, c'est d'écrire beaucoup plus avec des images qu'avec des mots. Je me force, en fait, à écrire avec des mots, alors je préfère écrire avec des images. 37 ans, deux longs métrages. Mais ne nous délivrez pas du mal. Interdit totalement pendant 7 mois, 80 000 spectateurs à Paris. Charlie et ses deux nénettes, 50 000 spectateurs à Paris. Le début du film n'était pas terrible, mais sur le milieu, c'est valable. Voilà. Pour répondre exactement. Ah ouais, c'était pas mauvais, ouais. J'ai bien aimé la simplicité du dialogue, c'est sympathique, c'est très bien. Vous avez pas trouvé que c'était difficile à comprendre de temps en temps? Ah non, je pense pas, non. Vous avez eu l'impression qu'il jouait la comédie ou qu'il vivait comme ça? Oh, ça avait l'air naturel, au contraire. C'est ça qui m'a plu, que ça avait l'air très naturel. Vous avez l'impression que c'est des gens que vous pourriez rencontrer Oh, c'est pas impossible. Oh, c'est-à-dire que c'est une histoire, l'histoire en elle-même est très simple. En fait, c'est une rencontre entre trois personnages. C'est-à-dire c'est la rencontre d'un type un peu en marge, qui fait un métier, qui fait pas un métier bien précis, qui vit un peu de combine et tout ça, et qui, à la sortie d'un office de placement, rencontre deux petites gamines qui sont là, qui elles également sont venues chercher du travail parce qu'elles se sont fait virer de plusieurs places successives. Alors, il y a une sympathie qui se, se nouent entre eux. Vous voyez, ce type, bon, il est seul dans la vie, ses deux filles sont venues également chercher du travail, et leurs problèmes les rapprochent, il les emmène au café, et puis elle le revoit le lendemain, tout ça, lui les emmène un peu dans ses pérégrinations, vous voyez. Et puis, bon, c'est un film sur un certain bonheur de vivre simple, mais avec des choses extrêmement simples, comme ont les gens qui font ce genre de travail, dans un milieu quelquefois populaire. En fait, bon, ce qui tend, je veux dire, à prouver qu'en fait on peut être, je veux dire, être bien et être malgré tout quand même, trouver son bonheur dans des choses extrêmement simples, dans des rapports, dans des rencontres et dans des rapports avec des gens comme ça. On n'a pas besoin, je veux dire, d'un fric fou. Histoire un peu simple, sans doute, Louis Chauvet, mais qui témoigne des vertus appréciables. Juste observation des minettes de banlieue, leur façon d'être, leur langage. Oui, c'était pas mal, on fait ça chaud. Qu'est-ce que vous voyez d'habitude comme film ici? Oh, on vit rarement ici, on va souvent. Enfin, on habite Dourdan alors. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, en gros, comme ça? On croyait pas, enfin je pensais pas que ça allait se finir comme ça. C'est l'amitié surtout, sur le plan de l'amitié, c'est surtout ça. Je trouve que c'est une bonne expérience. Tout est complètement écrit, c'est-à-dire tous les dialogues, complètement. Simplement, je suis pas. Je ne suis pas tyrannique avec les acteurs, c'est-à-dire que si, par exemple, il y a un mot qui les gêne, ou s'il y a une phrase qu'ils veulent dire d'une autre façon et tout ça, et puis s'ils me proposent des choses, je veux dire, amusantes et tout ça, et qu'eux préféreraient dire, moi je suis complètement ouvert, enfin, je ne suis pas borné, je ne suis pas... Mais enfin, c'est quand même très très écrit. Par exemple, Charlie, qui a l'air très spontané, c'est très écrit. Avec Joël Seria, comme avec Jacques Rosier et Pascal Thomas, Jacques Siclier, le cinéma français quitte Paris, redécouvre la Provence et, d'une certaine manière, la populisme. Hasard de l'inspiration d'auteur ou debout d'une autre nouvelle vague. Prenons toujours ces films comme ils viennent. C'est tellement agréable d'échapper aux images académiques, au mythe de la société de consommation et aux personnages qui parlent le langage des dialoguistes patentés. Ceci dit, le premier film est un sujet vraiment beaucoup plus important que Charlie. Moi, d'abord, le sujet du premier film, c'est un sujet qui me tient terriblement à cœur. C'était également deux jeunes filles, mais c'était deux jeunes filles dans un milieu... alors là, Charlie, c'était deux jeunes filles dans un milieu populaire. Là, c'était deux jeunes filles dans un milieu bourgeois. Bon, deux jeunes filles qui étaient dans un collège religieux et qui, à force de supporter, vous voyez, bon, tous les tabous moraux, intellectuels et tout ça, se révoltaient et décidaient, bon, du jour au lendemain, sciemment, froidement, de faire le mal, et qui tenaient un journal tous les jours. Et bon, qui allaient et qui poussaient leur argumentation jusqu'au bout, c'est-à-dire elles, ça n'était pas simplement chez elles un désir intellectuel de faire les choses, c'est qu'elles allaient jusqu'à les faire, donc jusqu'à la fin. Et c'était un film, je veux dire, c'est un film dur, hein, très agressif, et contre la famille, contre les tabous moraux, un véritable cauchemar à tourner. Cauchemar, tellement il y avait des problèmes d'argent et tout ça. Et bon, non, on n'a pas réussi à le faire complètement d'ailleurs, parce qu'il n'y avait plus d'argent, alors il a fallu que je coupe dans le sujet et tout ça, et ça n'a pas été très agréable. Et il est certain que c'était un tel cauchemar que 2 mois ou 3 mois après le film, quand j'y repensais, j'avais envie de vomir. Vraiment, j'avais des nausées. quand j'y repensais, tellement ça avait été dur. Le second, je peux pas dire que ça a été un plaisir fou non plus de le tourner. Peut-être parce que je l'ai tourné après beaucoup, beaucoup de difficultés pour arriver à monter l'affaire. Mais ce qu'il y a de très drôle, le premier film, ça a été un véritable cauchemar à tourner, mais j'en garde en fait, en définitive, j'en garderai un meilleur souvenir que du second. Parce que c'est un film qui me tenait beaucoup plus à cœur, enfin je veux dire, qui venait de beaucoup plus loin. Ceci dit, je ne renie pas Charlie, mais pour moi c'est un film, c'est un film agréable, mais au niveau du tournage, j'ai tourné. Enfin, je ne peux pas dire que j'ai vraiment pris un plaisir à le tourner. Non, parce qu'en plus, on l'a tourné en son direct, à Paris, banlieue, avec tous les problèmes que ça comporte. Moi, j'ai entendu des réalisateurs dire « c'est fantastique, on arrive au tournage, un film, c'est une fête ». Ils ont de la chance, ceux-là. Ou alors c'est qu'ils ont travaillé dans de telles conditions qu'ils pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils voulaient. Mais moi, les deux premiers, je peux pas dire que j'en ai un souvenir fou du tournage, non. Et pourtant, j'aime bien tourner. J'aime indiquer à l'opérateur les mouvements, j'aime travailler avec les acteurs, mais je veux dire, un film, c'est un accouchement difficile, hein, je veux dire, et peut-être parce qu'en fait, je suis moi le propre auteur du film, parce que je crois que c'est ça, je crois que ça vient de là. Je crois que ça vient de là, vous voyez, parce qu'on voudra arriver à mettre en image ce qu'on a imaginé au départ. Or, pour parvenir à mettre en image ce qu'on a imaginé au départ, c'est dur. Enfin, je veux dire, ça pose des problèmes, il y a une angoisse. Or, travailler quand même dans l'angoisse, c'est... Mais, en fait, bien entendu, il y a un plaisir par moment, mais c'est pas un plaisir délirant. D'après les critiques, ça a l'air d'être assez marrant. Les critiques sont assez valables. C'est pas un film intellectuel, mais enfin, on peut rigoler. Charlie, c'est des nénettes. Pourquoi vous allez voir ce film? Comme ça, pour nous distraire. Vous avez lu quelque chose sur ce film? Non, on avait un morceau à la télé. Le prochain, j'ai un contrat, ça y est, c'est signé. Et puis bon, il y en a un autre que je voudrais faire en automne, là. Je suis en train de me débrouiller pour monter l'affaire. Or, en fait, moi, je trouve ça même, peut-être, je vais vous dire, presque plus agréable de monter l'affaire soi-même. Oui, ça, j'avoue que... D'ailleurs, c'est excitant, c'est très, très excitant. Qu'est-ce qui est excitant? D'arriver à parvenir à monter une affaire qui, au départ, semble difficile à monter, et c'est extrêmement... Je veux dire, agréable pour soi d'y parvenir. Bon, par exemple, pour Charlie, ça a été très dur parce qu'il y avait Serge Chauvion dans le rôle principal. Tout le monde me disait, mais non, il faut prendre quelqu'un d'autre et tout ça. Le film a mis un an et demi à deux ans à se monter. Dans un sens, je suis content d'avoir réussi à monter cette affaire avec ses difficultés. Oui, c'est un métier très très facile par rapport au métier des autres gens qui sont obligés d'aller travailler tous les jours. Les heures de bureau, les heures d'usine et tout ça, c'est un métier très facile et j'ai beaucoup de chance de le faire. Vraiment. De toute façon, en fait, vous voyez, moi j'ai été catapulté là-dedans, en fait, alors qu'au départ, quand j'avais 18 ans, je voulais être acteur. Ceci dit, j'aimerais bien jouer la comédie par moment si on me le proposait, mais depuis que je suis réalisateur, plus personne ne pense à moi comme acteur. Mais non, en fait, j'ai pas du tout de réalisateur, j'ai pas de recette particulière. En fait, on a envie, je veux dire, moi, c'est-à-dire que, en fait, je suis venu à la réalisation par l'écriture. Je suis plus auteur au départ que technicien. Vous voyez, en fait, par contre, il y a des types qui sont plus techniciens, c'est-à-dire qui peuvent réaliser des films d'après, des scénarios, d'autres personnes. Moi, je préfère réaliser des choses d'après ce que j'écris moi. Je peux également, par la suite, si un sujet me plaît, peut-être réaliser... Si sujet de quelqu'un d'autre, ou je sais pas, faire une adaptation d'une chose importante, peut-être. Enfin, en ce moment, j'écris mes sujets moi-même, alors bon, je vais essayer de continuer comme ça, parce que jusqu'ici, ça n'était possible. Admirons en tout cas le courage de Joël Seria. Louis Chauvet. Qui pouvait sacrifier à la mode en s'attardant à décrire des orgies hôtelières et des dindes l'occasion. Préférant peindre, c'est son doigt, les sentiments que les sensations. Trois cinéastes, trois portraits. Numéro 3, Jean-François Davy. 28 ans, 6 longs métrages. L'attentat. Traquenard. Le seuil de vide. La débauche. Banane mécanique. Prenez la queue comme tout le monde. Allô? Le fait de faire des films érotiques n'est absolument pas une attitude de droite. C'est le fait de faire des films qui sont des produits de consommation. Je suppose que c'est à ça que vous pensez. Et bien sûr, c'est une attitude de droite dans la mesure où, d'une part, le public n'a pas eu l'occasion de voir et donc d'analyser les autres, et encore moins les projets que je peux avoir ou ce qu'il peut y avoir dans ma tête. Ce que je dis, c'est que... cette attitude, je ne peux l'envisager que comme une attitude provisoire, en sachant que je suis évidemment jugé par rapport à ce que je fais actuellement. On ne peut pas spéculer comme ça sur ce que quelqu'un fera ou ne fera pas. Ce qu'il y a, c'est que je suis convaincu que certains réalisateurs, dont je ne citerai pas les noms parce qu'on les connaît très bien, se sont installés définitivement dans un certain cinéma et sont heureux de le faire et estiment que c'est ça qu'ils doivent faire. Alors que moi, je ne voudrais pas mourir, disons, après les deux films que je viens de faire. J'aurais l'impression de mourir en ayant gâché ma vie par rapport à mes objectifs. Mais le problème est complexe. Ou bien on joue le jeu du système... et on cherche à l'utiliser pour déboucher sur autre chose, ou alors on se situe en marginal. Et là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que Philippe Garrel, par exemple, a pu faire des films résolument en dehors du système, dans la mesure où il y avait avec lui des gens qui, eux, avaient beaucoup d'argent, qui venaient de ce système. Il y a certains cinéastes qui gagnent de l'argent par d'autres moyens, peut-être plus discrets. Je pense que faire de la publicité et consacrer son activité de cinéaste à des spots publicitaires débiles pour des marques de lessive, c'est pas mieux que de faire du cinéma érotique. On ne nous cache plus rien. Louis Chauvet. Le novice apprend tout, voit tout, en 90 minutes. Ce qu'un homme peut faire avec une femme, puis avec deux femmes, les diverses formules de cette association, les moindres détails anatomiques des personnages, ce que deux femmes peuvent faire entre elles, ce qu'une femme peut faire isolément, tandis que son partenaire habituel lui téléphone. Tel est le scénario, si l'on peut dire, du nouvel film de Jean-François Davy. Délicatement intitulé « Prenez le queue comme tout le monde ». C'est faux, déjà, d'envisager le film sous l'unique angle de l'érotisme. C'est une erreur. Et les critiques, finalement, jouent le jeu des exploitants et des distributeurs, puisqu'ils mettent toute la publicité, et enfin toute l'information qu'ils donnent du film, est axée là-dessus. Par exemple, Louis Chauvet, dans Le Figaro, à propos de « Prenez la queue comme tout le monde », en critiquant d'ailleurs le film, qu'il n'aime pas, donne aux spectateurs qui peuvent être intéressés par l'érotisme l'envie d'y aller. Et il ignore totalement tout le reste du film. Donc la critique joue un jeu que je trouve dangereux, dans la mesure où elle joue le jeu des producteurs et des distributeurs la plupart du temps. Alors moi, ce que je reproche à mes deux derniers films, c'est peut-être la médiocrité du propos de Prenez la queue comme tout le monde, qui est un sujet inintéressant, qui est un peu l'apologie d'un petit con, puisque finalement mon personnage principal, et là je m'en suis rendu compte d'ailleurs en voyant le film, on peut me taxer, on peut me reprocher l'aspect un peu réactionnaire du personnage et du film, dans la mesure où c'est un peu l'apologie de la connerie. Ce qui d'ailleurs est une fausse analyse du film, et c'est celle qui apparaît au premier abord. En fait, moi j'ai voulu avoir une attitude critique dans ma façon d'observer ce personnage, mais elle n'est peut-être pas suffisamment ressortie. Ça, c'est possible. Et que donc il y a un malentendu. On espère toujours qu'un jeune cinéaste révélera son talent sur ces thèmes scabreux en les dramatisant. Louis Chauvet. Comme Bertolucci l'a fait, et en les poétisant. Oui. Ne nous promettait-on pas, en l'occurrence, une démystification de l'érotisme par les moyens de l'humour? Gilles Pilar? C'est moi. Vous avez gagné le premier prix du concours des baratineurs, organisé par Radio Plus. Ah bah tant mieux. Qu'est-ce que c'est le premier prix? C'est moi. Le film, je trouve qu'il est assez débile. Ouais. C'est la première fois que je vais voir un film porno, oui. Même pas, ni porno ni érotique. Oui. Non, ça m'accroche pas du tout. Vous en avez vu d'autres déjà des pornos? J'en ai vu un qui était bien, mais. C'était quoi? C'était Le Sublime et le Désirable. J'avais vu à la Cinémathèque. Ça, c'était un très bon film, mais celui-là est vraiment mauvais. Mais vous êtes un peu gêné d'être venu là? Non, je sais pas. Si, peut-être un peu, je sais pas, oui. Ben, j'ai souvent été traîné dans les salles où passaient les films. C'est un public un peu différent du public traditionnel. C'est-à-dire qu'il est évident que le fond du public pour les films érotiques, c'est un public de voyeurs essentiellement, qui vient voir des filles à poil, des choses un peu excitantes. Disons que ça correspond avant tout à des préoccupations purement sexuelles. C'est un public de célibataires, c'est un public de jeunes. Bon, mais on a observé sur Banane et sur Prenez la queue l'afflux d'un public beaucoup plus normal, je dirais, c'est-à-dire pas un public de dérangés sexuels. Quoique je respecte parfaitement le besoin de voyeurisme de certains individus, et pourquoi pas, si certains prennent leur pied en allant voir des films érotiques, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont la plupart du temps frustrés, parce que la censure ne permet pas de montrer ce qu'ils attendent certainement. On peut en effet noter un certain effort de l'auteur visant à traduire les rites de la gymnastique amoureuse de telle sorte que le spectateur puisse en rire. Louis Chauvet. Mouvements caricaturaux, allaitements excessifs. Il s'agit là d'un comique vulgaire qui ne risque pas de donner mauvaise conscience aux voyeurs ni d'amuser les âmes sensibles. Moi, j'ai préféré le traiter d'une façon drôle, parce que j'estime que la chair doit être traitée d'une façon amusante, que je m'imagine pas du tout faire un film érotique, dramatique. Puis pour une autre raison aussi, c'est que j'ai toujours fait ces films avec des petits budgets, et donc j'étais condamné à une certaine approximation de ce que je faisais. Quand on a peu d'argent, il faut savoir se contenter au point de vue jeu des interprètes, au point de vue, enfin tout ce qui concourt à faire le film, c'est jamais exactement ce qu'on espère faire. Et je pense que la comédie peut arriver à fonctionner avec cette approximation. Prenez La queue comme tout le monde, a coûté un peu moins d'un million de francs. Tout compris. Banane mécanique a été fait pour 550 000 francs, c'est-à-dire 55 millions anciens. C'est vraiment des budgets dérisoires. Banane mécanique, 216 000 spectateurs à Paris. Prenez La queue comme tout le monde, 215 000 spectateurs à Paris. Exclusivité non terminée. Je sais pas, il y a un problème effectivement. C'est surtout en fait un problème de censure, c'est-à-dire qu'on laisse passer effectivement que des films de très mauvaise qualité, alors qu'avec à partir de la porno, on pourrait faire des films de très très bonne qualité, mais cela serait immédiatement censuré. Et je crois que c'est essentiellement ça. Comment je vous dirais, l'histoire est mieux menée, vous comprenez, que d'habitude, parce que ça saute, on n'a pas toujours des scènes de. Comment je pourrais dire Mais j'aime bien parce que c'est entrecoupé, là, l'histoire est bien menée, ça va là, c'est pas mal joué. Ah non, pas du tout. Puis cette histoire de ces trois copains qui font la farce, c'est bien fait, c'est vraiment mené. Il y a des scènes érotiques, ça va, c'est entrecoupé, quoi, c'est pas lassant, pas du tout. Quel public vous avez ? Un public spécial. Pas le public qu'on a quand on passe des karatés. Des gens plutôt bien, je trouve. Oui. Voyez-vous-même. On n'a pas. Et qu'est-ce que vous avez eu comme érotique avant ça ? On a eu Banane mécanique, qui a travaillé très bien. Très bien travaillé. On reproche souvent aux films érotiques d'être mauvais. Et on dit, c'est un porno, c'est un érotique, c'est un sexy. C'est idiot, parce que qu'on reproche à un film sa médiocrité, et que certains critiques, par exemple, me taxent de médiocrité, je l'admettrai bien. Mais qu'on dise, il fait des films érotiques, comme une espèce de reproche, je trouve ça absurde. Je me considère un petit peu, pour le moment, comme dans une phase... préparatoire de ma carrière, c'est-à-dire que je ne perds pas du tout de vue les films que j'ai envie de faire. D'ailleurs, je suis coproducteur de ces films-là érotiques, donc je vais gagner de l'argent grâce à ces films-là, et cet argent est uniquement destiné pour moi à faire des choses ambitieuses, à faire ce qu'il est convenu d'appeler un film d'auteur. Mais j'apprends des masses de choses. D'abord, ces films-là sont par ailleurs des comédies. Donc c'est la première fois que j'étudie le mécanisme des gags, le mécanisme de l'humour, d'un dialogue qui veut être drôle, qui veut être léger, amusant. Et bon, par exemple, dans ce domaine, j'apprends beaucoup de choses. J'ai fait coup sur coup deux films qui ont fait 200 000 entrées, qui ont beaucoup énervé la critique, et on parle beaucoup de ces deux films-là automatiquement. Et on me catalogue très vite comme le nouveau réalisateur de films érotiques, alors que c'est pas du tout mon but. Par contre, on parle pas du tout, notamment d'un film que j'ai fait juste avant, qui s'appelle Seuil du vide, qui est un film fantastique, mais qui n'a pas pu, dans les structures actuelles de la distribution, trouver une place. Et pourtant, ce film a eu un prix d'interprétation féminine, a été présenté dans une dizaine de festivals, mais jamais on ne me considère comme un réalisateur de films fantastiques, par exemple, alors que c'est la voix qui m'intéresse le plus. Trois cinéastes français, trois portraits. On a peut-être un point commun tous les trois, c'est qu'on est un peu des marginaux. Dans la mesure où on fait cavalier seul, je sais que Seria a eu beaucoup de mal à faire son premier long-métrage, qu'il l'a fait dans un système un peu coopératif, et qu'il a eu des problèmes avec son second long-métrage, et qu'il en aura probablement avec son troisième, dans la mesure où c'est des films qui sont un peu en marge de ce qui se fait habituellement. Alio a toujours mené aussi une carrière... très personnel et marginal. Et moi, j'ai toujours fait mes films un peu dans mon coin, sans jamais m'intégrer vraiment à une équipe, à un courant. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Quoi. Je crois que c'est peut-être notre point commun. Sur le plan esthétique ou artistique, je ne sais pas s'il y a vraiment des points communs entre nous. Clap sur René Alliot, Joël Seria, Jean-François Davy. Voix, Charlotte Trench. Production, Pierre Girard, Richard Rhin. Réalisation, Jean Prisot, Raymond Anna, Janine Chollet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 janvier 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.